Je voudrais faire quelques toutes petites réflexions suite à cette amorce de débat. Justement, sur cette question de la participation aux instances. Moi, je crois que, de toute façon, on n'a pas le choix. Je veux dire, on ne peut pas déserter ces instances. Je pense que ce sont des lieux d'expression, même s'il n'y a pas d'écoute, il y a de l'expression. Et surtout, il y a une possibilité de faire un go-between entre le personnel et les directions d'établissement. Je pense que tout n'est pas du tout râpé. Je pense que dans certains endroits, même universitaires, on a obtenu des modes de fonctionnement qui contournent un peu la LRU, parce qu'une loi, c'est une loi, et après, il y a, dans ces modalités d'application, il y a quand même un certain jeu possible. Et je pense qu'on peut et on doit ménager l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, si on continue de porter un certain nombre d'exigences dans le mode de fonctionnement, aussi bien académique que de la recherche, que du fonctionnement de ces institutions, je pense qu'on pourrait, dans l'avenir, essayer d'avoir des modes de fonctionnement et des changements de la loi qui puissent être tournés plus favorablement vers ce qui nous intéresse et ce dont on a besoin. Je pense que les choses ne sont pas figées dans le marbre, je pense que c'est divers. Alors, de là vient une question, à mon avis, très importante, c'est savoir pourquoi on a cette apathie, en quelque sorte, de nos collègues. Parce que c'est vrai aussi que les élus dans les différents conseils, que ce soit conseil scientifique ou conseil d'administration, ils ne se sentent pas spécialement portés par un mouvement puissant qui ferait que leur écoute serait meilleure. Alors, pourquoi il y a cette apathie? Une hypothèse vécu autour de moi que je livre, c'est qu'effectivement, on est coincé entre le fait que pour avoir des sous, il faut rentrer dans le modèle, et qu'en même temps, on n'est pas d'accord avec le modèle. Donc, dans cette situation un peu schizophrénique, eh ben, les gens font profil bas. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut mettre nos collègues et nous-mêmes, d'une certaine façon, à l'aise. Je veux dire, c'est pas parce qu'on s'inscrit dans une ANR qu'on est pour l'ANR. C'est pas parce qu'on répond voilà. Donc je pose cette question parce que elle est sur la table. Et à partir du moment où on arriverait entre nous à être plus clair sur ces questions-là, à mon avis, on pourrait débloquer un certain nombre de collègues qui rasent les murs et qui ne savent pas trop comment faire. Et là, avec les labos d'excellence, on va tomber dans un truc bien pire. Bien pire que le problème de répondre à des ANR. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont faire des projets pour des équipes, des labos d'excellence, ils vont se sentir mal par rapport aux autres. Les présidences font pression parce que sinon, elles ne pourront pas rénover leur électricité et leur immobilier, etc., etc. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Donc moi, je pense que là, on a un travail à faire avec nos collègues, d'essayer de trouver de réaffirmer nos positions de principe tout en décomplexant le fait que, à titre transitoire, on espère, on est obligé de se plier à un certain nombre de contraintes si on veut survivre. C'est pas nouveau, finalement. Au CNRS, on a eu ça il y a déjà quelques années, il fallait bien bouffer et on répondait à... Voilà. Bon.